إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في الباب السابع من كتاب الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، الذي عنون له أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. sommes toujours sur le 13e cours et nous sommes toujours au 7e chapitre dont le titre c'est du livre de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi hafidhahullah ta'ala, dont le titre est le fait de se constituer en parti, ça ne fait pas partie de la voie du messager alayhi salatu salam, et que c'est une innovation. يقول حفظه الله تعالى: ومن هذا تعلم أن هذين الأصلين اتفقت عليهما الشرائع وأمر بهما جميع الرسل من لدن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذان الأصلان هما: أولا توحيد الله عز وجل وهو إفراده بالعبادة دون سواه، ثانيا الحرص على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين بإقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الاختلاف. ولهذا فقد ذم الله عز وجل الفرقة في غير ما آية من كتابه جل وعلا، كقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Nous sommes arrivés à ce passage où Cheikh dit: et partant de là, tu sais que ces deux fondements, les législations sont unanimes sur ces deux fondements. Et ces deux fondements, les messagers alayhi salatu wassalam les ont ordonnés. De Nuh alayhi salatu wassalam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ces deux fondements principaux sont le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah azza wa jal. Deuxièmement, le fait de de constituer l'unité de la communauté et de ne pas se diviser dans la religion, en accomplissant les moyens qui vont nous amener au fait de réunir la communauté et de délaisser tous les moyens et toutes les causes qui vont nous amener vers la divergence et la division. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé la division dans plus d'un verset. Et cher de nous citer certains versets, et ici, il nous cite ce verset: et ceux qui ont eu le livre ont été divisés après avoir eu l'éclaircissement et la preuve. Et dans un autre verset, ils ont été divisés après qu'ils aient la science. Et dans un autre verset, ceux qui se sont divisés dans leur religion, qui se sont constitués en groupe et en partie, tu ne fais pas partie d'eux. Et leur situation appartient à Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur annoncer ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient fait. وقال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد أخبر الله عز وجل في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأمة من العمل الصالح الذي أمرت به الرسل في الآية التي قبلها، حيث يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيستفاد من الثلاث الآيات معا أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين: أولا توحيد الإله، وثانيا وحدة الأمة. فأما توحيد الإله فحقيقته أن تصرف العبادة إلى الواحد الأحد خالق هذا الكون والمتصرف فيه. Il nous a cité aussi ce verset dans Sourat al-Mu'minun: ça c'est votre communauté, et ceci c'est votre communauté, il est unique. Et c'est une communauté unie, une seule communauté. Je suis votre Seigneur, préservez mes droits. Ils se sont divisés, ils se sont constitués en parties, et chaque partie est content de ce qu'il a. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé dans le verset avant ces deux versets, que cette communauté, il est unique, il est uni. Que l'union de la communauté, plutôt que l'union de la communauté, fait partie de la bonne œuvre qui a été ordonnée au messager alayhi salatu wassalam dans le verset auparavant. Le verset qui est avant celui-ci, et ça c'est votre communauté, il est une, et il est unique, et il est uni. Dans le verset auparavant, il est dit, il a été ordonné au messager alayhi salatu wassalam, ô prophète, mangez des bontés, des choses qui sont bonnes, hein, et faites une bonne œuvre, car je sais ce que vous faites. Et après cela, il y a le verset, et ça, c'est votre communauté, il est uni, il est une seule communauté, je suis votre Seigneur, préservez mes droits. Donc, en unissant les trois versets, il apparaît que la bonne œuvre qui a été ordonnée au messager alayhi salatu wassalam est basée sur deux choses essentielles, à savoir, en premier, le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et deuxièmement, l'union de la communauté. Quant au monothéisme, sa réalité, c'est le fait de réserver tout acte d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, car il est le seul qui a créé ce monde et qui le gère. وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة وعبادة، وأن تكون الأمة كلها كذلك، ربها واحد ودينها واحد، ودينها وعقيدتها واحدة ونبيها واحد، وهو الإمام الذي يسيرون على شريعته، وهدفها واحد، وهو إعلاء كلمة الله في أنفسهم وفي غيرهم، وغايتها واحدة، وهو الحصول على رضا الله والنجاة والجنة والنجاة من سخطه والنار. Donc quant à l'union de la communauté, sa réalité c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il s'adore avec ce qu'ont légiféré les messagers alayhi salatu wassalam, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des actes d'adoration, et que la communauté toute suit la lignée de la voie du messager alayhi salatu wassalam, et qu'il soit une seule communauté, car son Seigneur il est unique, sa religion, ses croyances sont uniques, son prophète il est unique, et c'est l'imam derrière lequel ils doivent marcher, ils doivent suivre sa législation. Et le but de cette communauté il est unique, c'est le fait de que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute en eux et dans les autres. Et le but de cette communauté il est unique, c'est d'arriver à l'agrément d'Allah azza wa jal, arriver au paradis, à être sauvé du feu de l'enfer et être sauvé de la malédiction d'Allah azza wa jal. ولكن الأمم فعلوا غير ما أمروا به فتفرقوا قطعا وتشتتوا شيعا وكانوا أحزابا متعادين وفرقا متباغضين كل حزب يظن أنه على الحق وكل من سواه على الباطل وكل حزب بما لديهم فرحون ولا يكون الاختلاف موجبا للانقسام والتفرق ومؤثرا أثرا سلبيا في وحدة الأمة إلا إذا كان في الأصول والعقائد كالتوحيد بأقسامه الثلاثة. Et cher de nous dire, mais les communautés ont fait le contraire de ce qui leur a été ordonné. Ils se sont divisés, ils se sont éparpillés, ils se sont constitués en groupes, et les groupes sont devenus ennemis les uns aux autres. Chaque groupe croit qu'il est sur la vérité, que les autres sont dans le faux. Chaque groupe est content des principes qu'il a et de la voie qu'il suit. Et la divergence va impliquer la division et va avoir un impact néfaste dans l'unité de la communauté quand cette division et quand cette divergence, sa base et son point de départ, ce sont les croyances. Et le monothéisme avec ses trois formes, hein, que ce soit le monothéisme des noms et des attributs, ou le monothéisme de l'adoration, ou le monothéisme de la seigneurie d'Allah, Azza wa Jal. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى فمن اعتقد جواز الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله أو تغاضى عن من يتطوف بالقبور ويقدم لها القرابين والنذور ويهتف بأصحابها راغبا إليهم في جلب الخير ودفع الشرور ويرى أنه لم يخرج من الإسلام بفعله لهذا المحظور بل يسميه أخا ويجعله في دعوته عضوا فإنه قد هدم توحيد الألوهية بذلك ومن تأول الصفات بما يجيب إبطال معناها الحقيقي الذي أراده الله في كتابه وأراده نبيه المبلغ عن الله عز وجل زاعما أن ظاهرها غير مراد لأنه يلزم منه المشابهة كالأشعرية أو نفاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة فلا يقول أن قائل أنه لا وجود للجهمية ولا وجود للمعتزلة فإليكم كلام مر معنا هذا الكلام ونعيده حتى نتثبت أن أفكار الجهمية وأفكار المعتزلة لا زالت موجودة فإليكم هذا الكلام من قول سيد قطب في تفسير القرآن في الجزء الخامس صفحة 3006 ويقول في تفسير سورة صاد وهذا الحرف صاد يقسم به الله سبحانه وتعالى كما يقسم بالقرآن ذي الذكر وهذا الحرف من صنعة الله فهو موجده صوتا في حناجر البشر قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه المولد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال ردنها على هذا الكلام صفحة 180 وقوله هذا الحرف من صنعة الله وموجده هذا قول الجهمية والمعتزلة موجود هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين أن القرآن مخلوق وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق Cheikh ici de nous dire, celui qui croit qu'il est permis de demander secours à des créatures, de leur demander secours pour des choses que ne peut faire qu'Allah Azza wa Jal, et chercher aide auprès de personnes et de choses, une aide que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, et celui qui ferme les yeux sur l'adoration des tombes, et il ferme les yeux sur l'acte de l'immolation sur les tombes et le fait de démoler pour la tombe et pour l'habitant de la tombe. Et il appelle ceux qui sont dans la tombe pour qu'ils lui donnent le bien et qu'ils le débarrassent du mal qui l'a atteint en agissant ainsi et qu'ils voient que ceux-là qui agissent ainsi ne sortent pas de l'islam en étant tombés dans ce genre d'actes qui sont illicites, mais ils les appellent des frères. Et ils le prennent dans son groupe et ils l'appellent le membre. Celui-là a détruit le monothéisme de l'adoration. Parce que cela, Cheikh, il fait allusion à qui? Il fait allusion ici aux frères musulmans. Donc, chez les frères musulmans, que tu adores la tombe ou là que tu adores, ce que tu veux. Même si tu adores Issa, tu peux être pas mieux. Même dans le groupe. Dans la première cellule de l'Ikhwan Muslimin, il s'est avéré que parmi les conseillers de Hassan ibn, il y avait des chrétiens, des coptes. Peu importe pour eux que tu adores les tombes ou là que tu fasses la Trinité, elle vient avec nous et puis c'est tout. L'essentiel c'est que tu sois avec nous, tu ne sois pas contre nous. En agissant ainsi quoi? Ben ils détruisent le monothéisme de l'adoration. Et qu'il voit aussi que celui qui déforme le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal, et qu'il leur donne un autre sens, qui va annuler leur vrai sens, hein, et qui annulent le vrai sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de ses attributs, et ce qu'a voulu le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis d'Allah azza wa jal les noms et les attributs, prétendant que la signification de ces attributs n'est pas voulue. Parce que si on les prend dans leur sens apparent, dans le sens qu'ils ont en langue arabe, bah pour eux, ça veut dire qu'on est en train de faire des ressemblances à Allah Azza wa Jal comme l'Asha'ira, comme le croit l'Asha'ira. Hein? Ou alors, il y a les autres qui vont mettre de côté les attributs d'Allah Azza wa Jal, comme le Jahmiya, complètement, comme le Jahmiya, et le Mu'tazila qui vont mettre de côté certaines. Il ne faut pas croire que le Mu'tazila n'existe pas, il ne faut pas croire non plus que le Jahmiya n'existe pas, ni l'Asha'ira, tout ce monde-là existe. Et la preuve, il est devant toi, ce livre, que ces leaders de partis qui voient le fait de se révolter contre les gouverneurs et les leaders d'Al-Ikhwan, etc., ben, il est dans l'interprétation du livre, de leur livre de chevet, qui est dans le Coran, dans Tafsir Surat Sad, tome 5, page 3006, dans l'interprétation de Surat Sad, il dit cette lettre Sad, Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment avec, comme il fait le serment avec le Coran, et cette lettre, c'est une création d'Allah, c'est Allah qui l'a fait exister. Et c'est Allah qui l'a fait exister comme son dans la gorge des humains. Cheikh Abdullah Douesh attire l'attention dans son livre Le Mourid Zulal sur les erreurs d'Yala Tfsir Zilal. Il dit, refutons cette parole, et sa parole quand il dit, c'est-à-dire quand Sayyid Qutb dit que la lettre est une créature d'Allah et c'est lui qui l'a fait exister, il dit ça c'est la parole d'Yal Jamia. Et la parole d'Yal Mu'tazila, qui disent que le Coran c'est une créature. Quant aux gens de la Sunna, ils disent que le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, il n'est pas créé. Il ne faut pas dire que maintenant le Jahmiya n'existe pas ou le Mu'tazila n'existe pas. Là, il ne va pas te dire que je suis Jahmi. Il ne va pas te dire que je suis Ash'ari ou là je suis Mu'tazili. Jamais de la vie il va te le dire. Mais ses paroles, ses croyances, les principes sur lesquels il marche font partie, tirent leurs racines dans le Jahmiya, et dans l'Ihtizal, et dans l'Ash'ariya. أو زعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق كسائر المخلوقات وأن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة كالمعتزلة ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية النفاة أو أن العبد مسير كالحجر الذي يدهده أو الغصن الذي تحركه الرياح كالقدرية الغلاة في الإثبات لأفعال الله أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كالخوارج أو لا مؤمن ولا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة أو زعم أن الإيمان لا يضر معه ذنب وأنه مجرد التصديق وإن لم يصحب نطق ولا عمل كالمرجئة أو زعم أن الطريقة الفلانية أو طريقة الشيخ فلان قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي وأنها هي الحق أو فضل الطرق الصوفية أو بعضها على العقيدة السلفية. Voilà aussi quelqu'un qui prétend que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal et que c'est une créature comme les autres créatures, comme nous l'avons vu c'est dans l'interprétation d'Al Sayyid Qutb et chez d'autres. Et d'autres disent que Allah subhanahu wa ta'ala les croyants ne vont pas le voir dans le delà. Et ça c'est les croyances d'Al Mu'tazila. Et ceux qui prétendent aussi, il y a d'autres qui prétendent que le serviteur, c'est lui qui crée ses actes. Hein? C'est lui qui crée ses actes. Là, n'a rien à voir dans les actes de sa créature. Hein? Comme le Qadariya Nufat, ceux qui disent qu'il n'y a pas de destin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait ce que font les humains qu'une fois qu'ils le font. A'oudou billah. Ou alors, ceux qui disent que l'être humain, il est guidé. Il fait sans le vouloir, lui. Il est comme une pierre. Que l'eau arrive, il la fait avancer, etc. Ou il l'a comme une plume dans le vent. Le vent, il vient, il le fait bouger comme il veut. Ou alors, comme la branche d'un arbre. Hein? Il n'a rien à faire. Il ne fait rien de lui-même. Hein? Enfin, ceux-là, ce sont les extrémistes au niveau d'Al Qadariya, qui sont le Jibriya, dans le fait d'aller aux extrêmes, dans le fait de confirmer les actes d'Allah Azza wa Jal. Et en réalité, ils annulent les actes, la capacité de l'être humain. Il y a la capacité de l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avant que l'être humain ne fasse quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et l'être humain ne peut rien faire sans le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et il a créé ce qu'il fait. Alors ceux qui prétendent que celui qui tombe dans un péché capital est un mécréant et qu'il est éternellement au feu de l'enfer, comme le Khawarij. Ils sont autour de nous maintenant. Qu'est-ce qui a ramené les catastrophes à la communauté? Qu'est-ce qui a amené la perturbation dans l'esprit des jeunes maintenant? Sinon l'esprit d'Al-Khawarij, il existe. Ou alors ceux qui disent, il n'est ni croyant, celui qui fait un péché capital, il n'est ni croyant, ni mécréant, dans ce bas monde. Il est dans une situation entre les deux situations. Manzila bayn al-manzilati. Et dans le delà, ils disent la même chose que le Khawarij. Il est éternellement au feu de l'enfer, et ceux-là, ce sont les Mu'tazila. Ou alors, il prétend que l'Iman, quand quelqu'un tombe dans un péché, ça ne fait rien. Quand il a la foi, il est en train de dire que l'Iman, il n'augmente et il ne baisse pas. Si la personne fait des péchés, ce n'est pas un problème, ça va rien faire pour son degré de foi. Ça va pas baisser sa voix. Et où il te dit aussi que l'Iman, c'est tout simplement le fait de croire dans son cœur. Même si tu ne parles pas, même si tu n'attestes pas, même si tu ne fais pas d'œuvre. Et ça, c'est la voie d'Al-Murji'a. Ça, nous l'avons vu chez les jeunes. Tu parles avec un jeune, tu te dis, moi, la foi, elle est dans le cœur. Et mon cœur, il est propre. Je ne fais rien de mal. Mon cœur, il est blanc. Comment ton cœur, il peut être blanc alors que tu te prosternes même pas pour Allah, Azza wa Jal? Il dit, viens à la prière, etc. Ah, il atteste qu'il n'est digne d'être adoré que Allah. Il dit, fois même, gars, il arrive le ramadan, il le fait. Et des fois, il te dit, que Allah, subhanahu wa ta'ala, me guide. Mais la foi, il est dans le cœur. Mon cœur, il est blanc, je fais rien de mal. Si ton cœur est blanc, pour le prouver, il faut que tu œuvres des bonnes œuvres, des œuvres qui sont dans les ordres d'Allah Azza wa Jal et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Donc toutes ces voies, Murji'a, Tizal, Qadariya, Jabriyat, tout ça, ça existe dans la communauté. Alors, tu ne sais pas les déceler, c'est tout, c'est ce qui te fait dire qu'ils n'existent pas. Ou alors, tu sais les déceler et tu sais ce que ça veut dire, mais tu ramènes des ambiguïtés chez les gens. À ramener du nuage d'ambiguïté dans l'esprit des jeunes. C'est ce que tu veux, dans ces cas-là. Ou alors quelqu'un qui prétend que la voix de tel ou de tel, comme Tijaniya, ou comme le Bouchichiya, ou comme le Qadiriya, ou Sarawardiya, ou Kada, ou Kada, ou l'Alwird, qu'ils font Tijani, Nsala, le Fatih, l'Ima, Ughliqa, est mieux que de lire le Coran 60 000 fois. Et que le fait de les lire, c'est mieux que de lire le Coran. Subhanallah. Et c'est mieux de lire la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et que c'est ainsi la vérité. Ou alors, d'autres qui disent que la voix d'Yel Sophia, elle est mieux, ou certaines voix d'Yel Sophia, elle est mieux que que les croyances d'Yel Salaf, radouanullah alayhim. Et ils te disent, ils te sortent des paroles, vous prenez votre science des morts, et nous on les prend directement de celui qui ne meurt pas. Haddatani, qalbi al-rabbi, mon cœur m'a dit de mon Seigneur, m'a annoncé de mon Seigneur. A'oudou billah, kharabit, ou l'khuz'abalat, quand le shaitan est simiste. Ces gens-là, ils savent plus ce qu'ils disent. Subhanallah, qui tu es pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'annonce quelque chose? La prophétie ne s'est pas terminée. Le dernier des prophètes est en Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Le dernier des messagers est en Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Et toi, tu es quoi dans ces cas-là? أو اعتقد أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من الخطأ، أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة واستحل صحب سب الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة، فهذه الاعتقادات وما شابهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة، وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. ولوغ البريتون il croit que les 12 imams chez Shia, chez Rawafid, qu'ils sont épargnés de l'erreur. Ils ne tombent pas dans l'erreur, à tel point que le Khomeini l'a dit, que leurs imams sont arrivés à des degrés où ni anges, ni prophètes ne sont arrivés. Subhanallah. Leurs imams sont arrivés à des degrés, ni les prophètes, ni les anges n'y sont arrivés. Ils sont arrivés où? Dans l'égarement, oui. Ils sont arrivés à des degrés où aucun prophète n'est arrivé. Puisque les prophètes sont dans la guidée. Hein? Et puisque les anges, sont dans l'obéissance à Allah Azzawajal, ils ne peuvent pas arriver au fin fond de l'égarement, comme vous imams que vous prétendez. Il est évident. Ça, c'est normal. Hein? Ou alors, ils croient en la mécréance des compagnons du prophète, alayhi salam, l'aïdou billah. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en avant Aba Bakr, wa Omar, wa Uthman. Ils ont mis ces trois-là devant Ali, radiallahu anhu, dans le khilafa. Ils croient en leur mécréance. Ils disent qu'ils sont mécréants. A'oudou billah min al-khudlan. Et il a pris comme il est halal, dit c'est halal de insulter les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam radwanullah alayhim comme le rafida, comme ils le font rafida. Khomeini il dit soubba sanama quraish, c'est qui? Abu Bakr ou Omar insulte les statues de Quraish, il dit Khomeini dans ses livres. C'est qui les statues de Quraish? C'est Abu Bakr et Omar. Et quand les Tatars ont eu le dessus avec quand les Fatimis, les Ubaidine, ils ont eu le dessus dans certains pays de l'islam. Ils y mettent pour avilir les gens de la Sunna. Quand ils trouvent un cadavre d'un chien, ils le mettent comme une croix devant la mosquée des gens de la Sunna. Ils passent, et celui qui veut rentrer, lui disent insulte Uthman ou l'insulte un compagnon. A'adhan billah. Avant, s'il veut être épargné, pas être maltraité, etc. A'oudou billah. Et ces genres de croyances et le similaire de ces croyances, selon la différence qu'il y a entre, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent ramener jusqu'à la mécréance et d'autres un peu moins, etc. C'est ça qui implique la division de la communauté. Et c'est ça qui est blâmé. C'est de voir compris ceux qui dépouillent le sens des attributs de Allah, Azzawajal. La voix compris le Khawarij, qu'on compris le Jahmiya, le Mu'tazila, le Rafida, et c'est ça qui divise la communauté. C'est ça. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui n'insultent pas les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils insultent même les prophètes d'Allah Azzawajal. Ils dénigrent les prophètes d'Allah Azzawajal. Encore une fois, l'emblème d'Yal Qutbiya. Écoute-le, dans comment il dénigre les prophètes d'Allah Azzawajal. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, comment il parle de lui. قال في كتابه التصوير الفني في القرآن صفحة 200 لنأخذ موسى إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. Regarde maintenant le respect du prophète qu'il a. Il dit dans son livre l'imagination artistique. Dans le Coran, il y a une imagination artistique. T'as déjà entendu un pieux aïeul parler d'une imagination artistique? L'art. En arabe, ça veut dire le fin. Mais en réalité, c'est le fin. Rajoute le R. Le A, ça veut dire le fin. Avec des pages de sang, prenez comme exemple l'exemple du leader coléreux. Il parle de qui? De Moussa alayhi salatu wassalam. Il donne comme exemple, il dit Moussa, prenez Moussa alayhi salatu wassalam, c'est l'exemple du leader coléreux. A'oudou billah. Et qu'on ne dise pas que vous avez mal compris la parole de Sidrat Qutb. Là, les imams. Écoute maintenant comment l'a compris Samahat Sheikh Abdelaziz bin Baz rahmatullah alayh. يقول لك أنهم تفهموا كلام سيد قطب لا يا أخي نحن لا نفهم شيء أنت تفهم ولكن اسمع لعلامة هذا الزمان ولناصر السنة وشيخ الإسلام في هذا الزمان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقولها بالعسل وقولها وغسل فمك بالعسل والسمن اللي تيقولوا المغاربة بعدها أنا وديها معك حلوة أكوك بغيتي ولا كرهتي. فيقول رحمة الله عليه معلقا على هذا الكلام الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. هذا من شريط أقوال العلماء في مؤلفات سيد قطب تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض. يجي رحمة الله عليه ليمينونس لمونتان دو سيونس لوم دو لا سنة شيخ الإسلام ان اوتر ايبوك او فري سونس دو تيرم qu'on déplaise à l'Khawarij, qu'on déplaise à l'Ahbash, qu'on déplaise à tous les égarés de la terre, il est ainsi, c'est ainsi que l'on désignait les hommes de science. Ils n'ont pas les minus, ils n'ont pas les insensés de la communauté, et les rois ibida de la fin des temps. Il dit, en critiquant cette parole de Sayyid Qutb, le fait de se moquer des prophètes alayhi salatu wassalam, ceci est une apostasie indépendante. Mais attention, fais très attention à ce que tu as entendu. Il n'a pas dit que Sayyid Qutb a apostasie, loin de là, a'oudhu billah. Mais il a dit que le fait de se moquer des prophètes alayhi salatu wassalam, ceci est une apostasie indépendante. Est une ridda indépendante. Mais jamais, Ridwanullah alayhi wa rahmatullah alayhi, il a décrété que Sayyid Qutb a été mécréant. Et aucun des imams, comme certains le propagent, n'a décrété que Sayyid Qutb est un mécréant. Personne n'a donné cette sentence. A'oudhu billah. C'est du mensonge. Et tout ce qui le propage, il propage un mensonge et devant Allah Azza wa Jal, ils vont rendre des comptes. D'avoir fait dire à des gens, à des hommes de science qu'ils n'ont pas dit. Et ceci, il y a une cassette qui a été propagée par milliers. Il s'appelle, la cassette porte ce titre-là, La parole des hommes de science sur les livres de Sayyid Qutb. Et on la trouve aussi dans Tijilat Minhaj Sunna à Riyad. On la trouve maintenant sur tous les sites d'Yel Sunna sur Internet. Qu'on ne dise pas non plus que il y a personne qui critique les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Bah écoutez encore, Sayyid Qutb encore. L'emblème, parce qu'il est l'emblème de cela. Il est l'emblème des Tikfiriyin, des Qutbiyin, des Ikhwan. Ils ont fait un tremblement de terre quand les hommes de science ont critiqué ces livres. Écoutez, est-ce que vous acceptez qu'on parle des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ainsi? Est-ce que quelqu'un qui est doué de raison et qui veut l'agrément de Allah Azza wa Jal accepterait de telles paroles sur les compagnons de, sur ceux qui ont été les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Qala fi kitabi al-adala al-ijtima'iyya, safha 206, wa nahnu namilu ila i'tibari khilafati Ali radiyallahu anhu imtidadan tabi'iyan li khilafati ash-shaykhayn qabla wa anna 'ahda 'Uthman kana fajwatan baynahuma. Nas'alu Allah as-salama wal 'afiyah. نسأل الله السلامة والعافية. دي النورين خلافته فجوة بين عمر وأبو بكر. أعوذ بالله من الخذلان. Il a dit dans son livre La justice sociale, page 206, et nous nous penchons, c'est-à-dire le penchant de qui? De Sayyid Qutb, a considéré que la khilafa de Ali, c'est la continuité naturelle entre Abu Bakr et Omar, et que la khilafa de Uthman entre Abu Bakr et Omar et Ali, c'est une faille. A'oudhu billah. Din Nourain. L'homme que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis. Le mari des deux filles. Il s'est marié avec la première fille du prophète alayhi wa sallam. Une fois que la première est morte, il s'est marié avec le deuxième. Celui Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur la montagne de Uhud. Et Uhud a tremblé. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, calme-toi Uhud. Sur ton dos, il n'y a qu'un prophète. Hein? Un véridique et deux martyrs. Le véridique était le prophète, était Mohammed alayhi wa sallam. Le véridique Abu Bakr Siddiq, les deux martyrs, Omar wa Uthman, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et là, cet emblème de l'Qutbiya ou de l'Tkfiriyun du monde moderne, il nous dit que la khilafa de Uthman, c'est une faille. C'est un gouffre entre la khilafa d'Abu Bakr et d'Omar. Ne dites pas qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? L'arabe, il est là. Fajwatan baynahuma. Ma yel fajwa. C'est quoi le fajwa en arabe? Un trou entre les deux. Hein? À moins que vous aviez un autre langage, en tout cas, Allah a'lam. وقال في كتب وشخصيات صفحة 242 إن معاوية وزميله عمرا أعوذ بالله لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح أعوذ بالله وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم أعوذ بالله يقول هذا في من؟ في كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح هكذا يتكلم عن معاوية وعمر رضي الله عنهم جميعا ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم et dans son livre des livres et des personnalités. Kutub wa Shakhsiyat, page 242. Il dit, quand Muawiyah et son compagnon Amr, quand Muawiyah et son compagnon Amr, ils n'ont pas vaincu Ali parce qu'ils connaissent au mieux les personnes et comment gérer les personnes. Et parce qu'ils connaissent mieux les situations, ils savent bien, hein, ils savent mieux tirer profit des situations mieux que Ali. Mais il a dit, ils l'ont vaincu. Pourquoi? Parce que Ali était conditionné par son comportement et eux, ils n'avaient pas de comportement. Et eux, ils ont acheté des gens. C'est-à-dire, ils ont donné des pots de vin aux gens pour qu'ils soient avec eux. Et parce qu'ils sont allés vers la trahison et vers le mensonge, il les a traités de menteurs et de traîtres. Et il a dit, ils sont allés aussi vers l'hypocrisie. Ils ont utilisé l'hypocrisie et les ruses et les pots de vin pour acheter les gens et pour acheter les consciences des gens. A'oudou billah. Est-ce que quelqu'un qui est doué de raison accepterait ça? Hein? Pour les compagnons du prophète alayhi salam, et là il s'agit en l'occurrence de Muawiyah. Muawiyah est indiscret. Il écrivait la révélation par ordre du prophète alayhi. Il écrivait pour le prophète alayhi. Et en plus de ça, il est l'oncle des croyants. Parce que sa sœur, Habiba, était la femme du prophète alayhi et la mère des croyants. A'oudou billah. Et il dit, quand eux ils agissent ainsi, en donnant des peu de vin, en rusant, en agissant par trahison, etc., ben lui, il ne pouvait pas, que Ali ne pouvait pas se rabaisser à ce niveau-là. C'est comme ça qu'il parle de Muawiyah et de Amr, radiyallahu anhu, sahabati rasulillah. Il dit à la fin, mais le fait que Ali a été vaincu, ça c'est un honneur, c'est plutôt, c'est lui qui est le vainqueur. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا الكلام كلام قبيح. هذا كلام قبيح سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص رضي الله عنهما وقال عن هذه الكتب يجب أن تمزق وهذا من شريط أقوال العلماء في مؤلفات سيد قطب. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه il a dit de cette parole, quand on lui a cité cette parole, il a dit ça c'est une parole blâmable, c'est une mauvaise parole. Ça c'est une insulte à Muawiya radiallahu ta'ala et à Amr ibn al-As. Il a dit ces livres on doit les déchirer, on doit les déchiqueter. Ceci aussi se trouve dans la même cassette, avec la voix d'El Cheikh. ويأتينا الآن تكفير سيد قطب للصحابي أبو سفيان رضي الله عنه. قال أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان. كيف دخلت إلى قلبه أنت؟ كم بينك وبينه؟ كيف عرفت ما في قلبه؟ وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل. المرجع مجلة المسلمون العدد الثالث سنة 1371 للهجرة. maintenant écoutez maintenant il rend Abu Sufyan le père de Muawiya. Il le rend mécréant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée Abu Sufyan. Radiyallahu anhu wa arda. Il dit à Abu Sufyan, c'est cet homme qui a maltraité l'islam et les musulmans. Et les pages de l'histoire nous disent beaucoup de ce qu'il a fait subir aux musulmans. Et il dit, cet homme ne s'est converti qu'une fois que l'islam a été puissant. Et il dit son islam, c'est un islam de la langue, et ce n'est pas une foi dans le cœur, ni dans l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il a pu sûr ce qu'il y a dans son cœur? Il y a combien de siècles entre Sayyid Qutb et Abu Sufyan? Comment tu peux savoir? Et il dit l'islam n'a pas atteint le cœur de cet homme. A'oud billah. A'oud billah. Hein? Et ça, vous avez cette la source, c'est le magazine des musulmans. C'est un magazine de l'Ikhwan Muslimoun dont le troisième numéro, c'est-à-dire au début de la création de ce magazine, au long 1371 de l'Hijr. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas des gens qui auront mécréant les compagnons du prophète alayhi salam. On doit regarder Al-Rafida. Voici Sayyid Qutb dans ses écrits. Yadul Ikhwan, ou les Igwan si tu veux, et Qutbiyen, et Sororiyen, ils te font des tremblements de terre quand les hommes de science parlent de Sayyid Qutb et autres. Où est-ce qu'ils sont partis ceux-là? Et les compagnons du prophète alayhi salam n'ont pas de place dans votre défense. Les compagnons du prophète alayhi salam n'ont aucune valeur chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous défendez cet homme alors qu'il insulte et qu'il dénigre, hein? Les compagnons, ils dénigrent un prophète, ils rendent mécréant un compagnon tel Abu Sufyan. Et contre les hommes de science, vous le défendez? Et quand les hommes de science répliquent à ces erreurs et montrent aux jeunes et aux intellectuels qui ne savent pas déceler le vrai du faux dans un manhaj, ils leur montrent les erreurs, vous criez au secours, vous criez au feu, a'oudou billah. Amma l'ikhtilafu fil furu' fala yujibu tafriqan ولا يترتب عليه لوم من أحد على أحد ولا من جانب على جانب إذ قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجب لوما ولا تعنيفا من أحد على أحد. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم ولكن إخوة الإسلام لا نجعل هذا الحديث مطية لتجويز هذه الجماعات وهذه الفرق، هذا لا يمكن كما قلنا البارحة. فهذا شيء، الاختلاف في فهم النص دون معارضة النص هذا شيء، وإقرار هذه الجماعات على ما فيها من خلل ومن انحراف في المنهج أمر آخر وأمر مذموم. Et donc quant à la divergence dans les branches et dans les détails des actes dans la religion, cela ne doit pas impliquer une division. Il ne doit pas impliquer un blâme de la part des uns vis-à-vis des autres. Parce que ceci est arrivé à l'époque du prophète alayhi salam et ça n'a pas impliqué de blâme ni de sévérité pour les uns ou pour les autres. Dans l'authentique d'Al Bukhari, comme nous l'avons vu hier, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, nous dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour d'Iqwalizé, le jour où tout le monde s'est réuni contre eux, le prophète alayhi salam et ses compagnons, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout un chacun parmi vous ne doit pas prier l'Asr jusqu'à Banu Qurayda. Et quand l'heure d'Al Asr est arrivée sur le chemin, certains ont prié. Ils se sont pas blâmés les uns les autres, se sont insultés. Non, loin de là. Et quand ils sont arrivés devant le prophète alayhi salatu salam, la situation a été comptée. Au prophète alayhi salatu salam, il y a ceux qui ont prié avant d'arriver à Banu Qurayda au début de l'heure, et les autres ont prié avant la fin de l'heure, en arrivant chez Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela et cela. Il n'a rien dit. Mais ce hadith-là, comme nous l'avons vu hier, ne doit pas être un prétexte pour valider les voies sur lesquelles sont ces groupes. Ces groupes sont en divergence dans les croyances et dans les voies qu'ils ont suivies au prophète alayhi salam. Alors que les compagnons ne sont pas en divergence avec les textes, loin de là. Mais tout simplement, chacun d'eux a compris qu'il faut un groupe, ceux qui ont prié avant l'heure ont compris qu'il faut sortir très vite, il faut faire vite. Et les autres ont compris, ben il faut, une fois arrivé à Banu Qurayda, on fait la prière. Mais il ne faut pas s'imaginer que le dernier groupe a prié une fois que l'heure est passée. Loin de là. Il ne faut pas penser ça des compagnons du prophète alayhi salam. Et cette divergence, il a à avoir lieu. Parce qu'il reste une divergence qui est limitée par le texte et qui est conforme au texte. Pas la divergence. Regardez maintenant la divergence d'un tibliri avec Salaf. Il est énorme. Hada, Salafi, il dit, tout acte sur lequel il n'y a pas notre enseignement, il est rejeté. Tibliri, il dit, par Allah, et Hada, c'est un dizimir. Par Allah, c'est un acte bon, même si le prophète ne l'a pas fait, il faut le faire. Et Allah, qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Hada, il dit, les Khwani, il dit, ce qui compte, c'est le but. Peu importe le moyen. La règle, elle est quoi? Elle est machiavélique. Al-wasila, al-ghayatu tubarrilu al-wasila. La règle, elle est machiavélique. Donc, ça veut dire que s'il faut boire du vin pour arriver à un but, tu le fais. A'udhu billah. Est-ce que ça, c'est la voie d'Al Salaf? Ardouanallah, c'est impossible. Donc, il faut pas ce hadith. Il faut le comprendre tel que l'on compris les hommes du hadith. Il y a une bonne traduction qu'ont fait les frères sur le Bayda. Sur le Bayda, il y a une bonne traduction qu'ont fait les frères d'Yal Bayda sur les paroles d'Yal Sheikh Nasr rahmatullah alayh sur ce hadith. Il faut y revenir les frères francophones pour bien saisir la parole du prophète alayhi salatu salam et l'acte qui en découle de la voix d'eux. Et l'acte qui en découle. Et la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète alayhi salatu salam. Et comment les hommes du hadith ont compris ce hadith. Et quelle orientation ils lui ont donné. Wa fi sahih al-Bukhari aydan anna Muhammad ibn Abi Bakr sa'ala Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa huma ghadiyan min Minan ila Arafah kayfa kuntum tasna'una fi hadha al-yawm ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa qala kana yuhillu mina al-muhill فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه في صحيح البخاري. dans l'authentique de Bukhari, Mohamed ibn Abi Bakr a demandé à Anas ibn Malik, alors qu'il marchait de Minan vers Arafat. Il leur a dit, comment vous faisiez à l'époque du prophète alayhi salam pendant ce jour? Et il a dit, il y avait parmi nous des gens qui disaient la ilaha illallah wahda wa la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in, et d'autres qui faisaient Allahu Akbar, Allahu Akbar, et il y avait personne ne blâmait l'un ou l'autre. Et là ça rentre dans quelle divergence? La divergence dans la diversité des invocations, la diversité des actes, etc. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, on fera le livre, il y a une petite risala de Cheikh Bazmoul, Hafidhahullah ta'ala, sur l'ikhtilaf. Il est très bon à lire et à savoir, pour comprendre, c'est quoi l'ikhtilaf qui est considéré, l'ikhtilaf qui n'est pas considéré. L'ikhtilaf qui est contraire au livre, et à la sunna, et l'ikhtilaf qui va dans le sens du livre et de la sunna, qui en réalité, un ikhtilaf dans la compréhension, là où il n'y a pas de texte, mais il émane de l'ijtihad. Laisse-moi maintenant, tu me ramènes la compréhension d'Arroua et Bida et tu veux la faire une voix avec, loin de là. Et il y a un ikhtilaf qui est considéré, qui est dans les textes. Hada, il a mis une application sur texte, l'autre il a mis une application sur texte, et les textes. Hada, c'est la diversité dans les actes, dans la religion. Nous avons vu aussi comment Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, comment il faisait. Avec, il voyait même que c'était une innovation de mettre la main droite sur la gauche une fois qu'on se relève de rokou. Mais il priait derrière Cheikh Ibn Baz et il les lâchait. وقد اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل من الفروع فلم يعنف احد منهم احدا ولا اوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفرقه ثم ان من طبيعه البشر ان يختلفوا فيما سبيله الاجتهاد من الاحكام الفرعيه نظرا لاختلاف العقول والاستعدادات الفطريه فمن اجل ذلك رفع اللوم فيه اما اذا مس الدين واستهين بالعقيده فانهم يغضبون كاشد ما يكون الغضب حتى ولو كان على أقرب الناس إليهم فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بلال وهو من أبنائه والله لنمنعهن إذا يتخذنه ذغلا قال فسبه سبا لم أسمعه سبه مثله وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن منعون. Et il y a eu des divergences dans certains détails de la religion des compagnons du prophète alayhi salam. Et les uns n'ont pas blâmé les autres. Et cela n'a pas amené l'adversité entre eux. Il n'a pas installé la haine dans leur cœur. Ils se sont pas divisés. Ils se sont pas délaissés les uns les autres. Car il fait partie de la nature humaine qu'elle soit en divergence dans les situations qui supportent la divergence, qui ont besoin d'efforts d'interprétation, là où il n'y a pas le texte. Dans l'ahkam, ou là où il n'y a pas le texte, il y a la place à l'effort d'interprétation. Pourquoi il va y avoir la divergence de gens? Parce que la capacité de l'un n'est pas la même. Le raisonnement de l'un n'est pas le raisonnement de l'autre. Et la nature sur laquelle sont créés certains n'est pas la même ainsi de, sur laquelle sont créés les autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de blâme dans ce genre de situation. Là où il n'y a pas de texte, où le mujtahid, l'homme de science, fait des efforts et il arrive, comme l'histoire d'Yann, le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Il n'y a pas de texte qui le précise. C'est un texte général qui est arrivé. Et regardez l'interprétation qu'on a fait Ibn Baz, et regardez l'interprétation qu'on a fait Cheikh Al-Albani, qui te prouve que ce qui est en train de nous dire, cher ici, c'est normal. Et c'est arrivé de la part du compagnon du prophète, alayhi sallam, des situations similaires. Mais là où le blâme tombe, quand la religion est touchée, quand les croyances sont touchées, quand la sunna est touchée, quand la voie que nous devons suivre, Allah subhanahu wa ta'ala grec et la voix de Mohammed Ali. Là, à ce moment-là, attention, stop. Nous avons vu la parole d'Yel Laouzaï hier avec Taur. Alors que Taur, c'est un homme de science. Malgré tout ça, il ne lui a pas serré la main. Pourquoi? Parce qu'il avait cette croyance d'Yal Qadariya. Hein? Donc, il y a une grande... Il y a un point essentiel qu'il faut comprendre dans les positions à avoir dans la divergence. Et ceci est très important. Quand on le maîtrise, on n'a plus de problème à ce moment-là. On n'a plus d'ambiguïté à avoir. Et ça, là, bien, il te dit, « Khtilafi ummati rahma. » Où tu l'as trouvé? C'est un hadith da'if. Il est dans ceci là, da'ifa, il porte le numéro 57. Il est da'if. Quand on ne donne plus l'importance, on est en divergence avec les croyances, on est en divergence avec la voix du prophète, à ce moment-là, les hommes de science se mettent en colère. Et celui qui est digne de sa religion se met en colère pour ça, parce qu'on est en train d'altérer les croyances, on est en train d'altérer la voix qui est agréée min Allah Azza wa Jal. Même si c'est quelqu'un est très proche de toi, tu dois avoir la position adéquate par rapport à l'acte ou à la croyance qu'il veut propager. Et par rapport à la déviance qu'il veut faire de la voix. Écoute maintenant, il nous a été rapporté de Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu. Il a dit, il a cité cette parole du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam qui est rapportée par l'imam Bukhari rahmatullah alayhi. Il a dit, quand une de vos femmes vous demande l'autorisation d'aller à la mosquée, laissez-la aller. Ne lui interdisez pas, n'interdisez pas aux femmes d'aller aux mosquées. Bilal, son fils, lui a dit, on va leur interdire, sinon ils vont le prendre comme prétexte pour sortir Zama. Il lui a dit, il l'a insulté, il a été sévère avec. Et le rapporteur du hadith, il a dit, je l'ai jamais entendu parler ainsi, ni être en colère ainsi. Il lui dit, je te parle du prophète, alayhi salam, et tu dis, tu vas les empêcher. Je te dis que tu dois les autoriser, tu vas à l'encontre du texte. Et tu réagis contrairement au texte. وقال في الفتح وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أحمد فما كلمه حتى مات. Et dans le Fath qui est le Sharh d'Yal Fath al-Bari, Fath qui est le Sharh d'Yal Sahih al-Bukhari, dans la version d'Ibn Abi Najih, de ce hadith, de Mujahid, chez l'imam Ahmed, c'est-à-dire dans le Musnad, il ne lui a pas parlé jusqu'à sa mort. Et Allah, c'est son fils. C'est tout simplement, il a eu cette parole, il a dit, nous allons leur interdire la mosquée, sinon ils vont la prendre comme cause pour sortir, etc. Hein? Regarde la réaction. C'est un compagnon. Hein? Abdullah ibn Omar, c'est l'exemple du suivi. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ. الخذ هو الرمي بالحجارة الصغيرة. فنهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال عنه إنه لا يقتل صيدا ولا ينكى عدوا وإنما يكسر السن ويفقع العين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف فأخذ ابن عم له فقال عن هذا فخذف وخذف فقال ألا أراني أحدثك ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف والله لا أكلمك عزمة ما عشت وبقيت نحو هذا والله لا أكلمك عزمة ما عشت وبقيت أو نحو هذا. وقع علي عبد الله بن المغفل رضي الله عنه مع قريب له في الخذف مثل ذلك وقريبا منه وهو في المسند عند الإمام أحمد. Et donc dans chez l'imam Ahmed dans le musnad de l'imam Ahmed Abu Bakr رضي الله عنه dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de jeter des pierres, de lancer des pierres. Dans un hadith, le khadf, c'est le fait de jeter des pierres, des petites pierres. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, il a dit, ça ne tue pas le gibier, mais ça ne tue pas non plus l'ennemi, et ça ne lui porte pas, ça ne lui donne pas un grand coup, mais tout simplement il casse les dents, il aveugle, il fait du mal aux yeux, c'est tout. Et Abu Bakr, quand il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeter les pierres, de faire le khadf, un de ses cousins l'a fait devant lui. Il lui a dit, je vois, je t'annonce quelque chose que le prophète a interdit de faire, tu le fais. Par Allah, je te parle, par ferme résolution, je ne vais plus te parler. Tant que je vis, je n'ai plus te parler. Je ne vais plus te parler. La même situation est arrivée à Abdullah ibn al-Mughaffal. La même situation avec l'un de ses proches. Pour le même acte. Il a dit la même chose. Hein, à son proche. Ainsi ils étaient avec la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Ainsi ils étaient avec la sunna. والآن يعقد الشيخ حفظه الله تعالى فصل في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه. Et maintenant, Cheikh, dans ce chapitre 7, il ouvre un chapitre qui est les preuves dans la sunna qui interdisent la divergence et le fait que la divergence est blâmée. لكن كثيرا من الناس يعارضك بقول الاختلاف رحمة. وهذه العبارة رويت في حديث بلفظ اختلاف أمة رحمة. وقد نص غير واحد من أهل العلم بأن هذا اللفظ لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وانظر الضعيف حديث رقم 57 ويقول الشيخ بزم حفظه الله تعالى ومعنى هذه الجملة الاختلاف في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها دليل يجب اتباعه ووجه الاختلاف رحمة أنه يفتح الباب للنظر والترجيح بين أقوال أهل العلم ويسلم من مخالفة الأدلة فالاختلاف رحمة ليس هو إقرار الاختلاف بين الجماعات والاختلاف الشديد بين المذاهب الفقهية وترك الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنها السلف هذه الأمة فليس هذا هو المراد فتأمل قول ابن مسعود الاختلاف شر الخلاف شر Mais beaucoup de gens viens maintenant viens et te pose devant toi cette parole. La divergence est une clémence pour ma communauté. Cette expression vient d'un hadith. La divergence de ma communauté est une clémence et ce hadith, plus d'un homme de science parmi les anciens et les nouveaux, ce hadith, cette expression n'a aucun sens, n'a pas d'origine du prophète alayhi salatu wasalam. On ne peut pas l'attribuer au prophète alayhi salatu wasalam. Si vous en savoir plus, si regarde le commentaire qu'on a fait Cheikh Nasr rahmatullah alayh, dans le premier tome de Silsila al-Da'ifa, sur le hadith, il porte le numéro 57. Cheikh Bazmoul de dire, dans son livre, dans son épître, l'ikhtilaf et vers quoi il amène, il dit cette phrase, l'ikhtilaf, ça veut dire l'ikhtilaf, la divergence dans le sujet dans lequel il y a la place de l'interprétation, le masail l'ijtihadiyya, dans les sujets à l'ikhtilaf, dans les sujets où il n'y a pas de texte, où les textes, il n'y a pas de texte clair, et donc les hommes de science font des efforts d'interprétation, Hada, comme on l'a vu, va à une interprétation, et l'autre va à une autre interprétation. Donc l'ikhtilaf, là où il n'y a pas de texte qu'il faut suivre obligatoirement. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les hommes de science ont porté cette phrase, ils lui ont donné une réelle signification. L'ikhtilaf est une clémence, la divergence est une clémence, c'est-à-dire que ça ouvre la porte de l'effort devant l'homme de science. Hein? Et ça t'ouvre la porte de prendre l'une des paroles des hommes de science. Surtout, en essayant de ne pas suivre tes passions, ce que tu veux, essayons de faire, de choisir la parole de l'homme de science qui se rapproche le plus de la preuve. Pour que tu ne tombes pas dans la divergence avec les preuves. Et si tu n'arrives pas à le faire, comment tu fais? T'as deux paroles. La parole de Bnoubaz et la parole d'Al-Albani. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas quoi choisir. Et sur un sujet qui est un sujet où la porte est ouverte à l'effort d'interprétation, à l'interprétation, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, il faut que tu trouves un homme de science digne du nom qui est sur la voie du puiseur d'Allah alayhi. Et tu le contactes et tu lui demandes, yeah, cher. Cheikh Ibn Baz, il dit ça. Cheikh Al-Albani, il dit ça. Les preuves d'Yel Cheikh Ibn Baz sont ceci. Les preuves d'Yel Albani, moi, je ne sais plus quoi choisir. Comment je fais? Et il va te sortir du dilemme. Hein? me dire comme ça, hein? Qardawi a dit riba si halal sayyit gob. Ou là il a dit que il ne voit pas de dans un film qui n'est pas d'actrice. Et tu envoies ta sœur à être vedette d'un film? Vas-y, Nta. C'est la divergence complètement avec le texte, là. Hein? Là, quand Cheikh Najmi, il interdit, il ramène les textes. Donc, pour l'interdiction, il y a les chansons, il y a la musique, etc. Non, il est sévère. Et tu vas vers quoi? Il va lui dire, hein, la parole d'Yal Qardawi qui dit, moi, j'écoute telle chanteuse et telle chanteuse. Et la preuve, c'est quoi? Allahu tayyibun yahi, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime ce qui est beau. A'oudou billah. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on est en train de jouer avec les textes. Et c'est ce qu'il veut, l'hadou. Ikhtilaf rahma. Il veut que du laisser aller. Défigurer la religion. Dénaturer la religion. Hein? La dépouiller de son vrai sens. Hein? Donc, la divergence est une clémence, ce n'est pas approuver les groupes qui est sur le terrain, qui sont en divergence avec le prophète alayhi salam. Ce n'est pas non plus approuver les divergences qu'il y a dans le madahib, le fiqhiyah qui sont en divergence, surtout ces divergences qui sont en divergence claire avec la sunna du prophète alayhi salam. Ce n'est pas ça qui est voulu. Même si certains nombres de sciences qui disent que la divergence est une clémence, c'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est ce qu'a dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dans son livre. Divergence dans les sujets qui portent, où il y a la place de l'effort d'interprétation pour les hommes de science qui ont les outils pour faire les efforts, pour faire l'interprétation. Hein? Barakallahu fikum. Hada, pour anéantir cette chouba. Parce que, c'est une chouba, elle est en réalité comme un mirage. T'as soif, tu es dans le désert. Et tu vois le mirage, comme si c'est de l'eau. Il te fait tellement chaud qu'avec la chaleur qui tape là au lointain, tu vois de l'eau. C'est comme ça. La même chose. La chouba dit al-hadou. Il est comme le mirage. Rien du tout. Hein? فيقول حفظه الله تعالى في هذا الفصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم خرجه الإمام مسلم الشيخ دو ندير السيكو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدي جونتون دي البروفيت عليه الصلاة والسلام دير ce que je vous interdis, abstenez-vous. Abstinence complète, il doit t'interdire. Il a interdit la musique, voilà, rien à faire. Hein? Et ce que je vous ordonne, faites selon vos capacités. Hein? Et ça c'est une clémence, min Allah Azza wa Jal. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités. Hein? Car ce qui a fait périr, soit avant vous, qui soit avant vous? Les gens du livre. Hein, la diversité, beaucoup de leurs sujets et leurs divergences sur leur, hein, ils viennent à chaque fois poser des questions à leur prophète alayhi sallam et leur divergence avec leur prophète alayhi sallam. C'est ce qui les a fait périr. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وخرجاه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا شيخ ابن رجب الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه بين لك سند الحديث والسند من خصوصية هذه الأمة ها؟ والسند سلاح المؤمن كيف يقاتل من لا سلاح له السند هذه خصوصية هذه الأمة الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه لسو حديث avec cette expression il a été rapporté par l'imam muslim tout seul la version de Zuhri, de Saïd ibn al-Musayyib, et de Abi Salam ibn Abdurrahman, de Abi Hurayra radiallahu ta'ala. Mais il a été rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim de la version de Abi Zinad, de l'A'raj d'Abi Hurayra radiallahu ta'ala. Là, tu as deux versions, deux chaînes de transmission de ce hadith. Et la chaîne de transmission est une particularité de cette communauté. Comme l'a dit Abdullah ibn Mubarak, la chaîne de transmission, c'est l'arme du croyant. Car celui qui veut aller combattre, avec quoi il va combattre? Et l'une des grandes armes du croyant, c'est justement cette chaîne de transmission. Ça te donne la solidité. Ça te donne confiance que la voie sur laquelle tu es, il est préservé. Hein, et que tu peux tout vérifier à la lettre. Et la deuxième version d'Abi Zinad an al-A'raj an Abi Huraira, Abi Zinad an al-A'raj an Abi Zinad an al-A'raj d'Abu Huraira radiyallahu anhu, c'est celle où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, laissez-moi ce que j'ai laissé, laissez-le, ne me posez pas de questions, car ce qui a fait périr ceux qui sont avant vous, beaucoup de leurs questions et leurs divergences avec leur prophète alayhi salatu wassalam. Et quand je vous interdis quelque chose, abstenez-vous. Quand je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez, selon vos capacités. Hein? Donc il dit, ne posez pas de questions sur des choses que j'ai laissées de côté. Hein? Car ce qui a fait périr ceux avant vous, c'est beaucoup de questions. Hein? Et leur divergence avec leur prophète alayhi salatu wassalam. والشاهد منه النهي عن الاختلاف وهنا يعتبر نهيا شرعيا يعارضه ما أخبر الله عز وجل عنه من وقوع الاختلاف قدرا كقوله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Ici le témoignage dans le hadith, c'est que c'est une interdiction claire et nette. C'est une interdiction légiférée. Il est interdit de tomber dans la divergence. C'est une interdiction, claire et nette dans la législation. Ceci est opposé à ça quoi? Le verset que nous cite Cheikh ici, dans Sourate Hud, qui dit, ils seront en divergence, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a ceux saintes miséricorde, et c'est pour ça qu'il les a créés. La divergence, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir là-dedans. Parce que la divergence, c'est un destin que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il existe. Mais il ne l'agrée pas. C'est une épreuve. En comprenant que dans le destin, il y a deux formes du destin. Le destin universel, c'est-à-dire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit dans cet univers. Mal, bien, etc. Et la divergence fait partie de ça. Et il a le destin légiféré qui est ce que veut Allah azza wa jal. Mais ça ne veut pas dire que ça arrive. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Abu Bakr, et Ben, et Abu Jahl, et Abu Lahab. Hein? Ils font partie du destin. Et il a ordonné à Abu Bakr et Abu Jahl de se soumettre à Allah, Azza wa Jal, de suivre Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le destin légiféré, c'est ce qui est demandé. Abu Bakr a répondu à l'appel d'Allah, Abu Lahab n'a pas répondu. Mais la différence entre le destin qui doit exister dans l'univers, ça doit exister parce qu'Allah, il le veut. Hein? Le mal, le bien, Shaitan, Abu Jahl, Abu La'ab, Fir'aoun, et ainsi de suite. La divergence qu'il y a, les groupes qu'il y a, etc. Tout ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas et ne l'agrée pas. Mais en quelque sorte, c'est un bien pour toi, pour chercher la voie droite, pour que tu arrives à l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. En évitant tous ces divergences, il se déluge de divergences et de pensées. وقوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الآية والحديث إخبار على اختراف الكون القدري. Donc aussi peut arriver à notre esprit la contradiction avec ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith du groupe, que les juifs se sont divisés en 71, les chrétiens en 72, et les musulmans, la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam se divisera en 73. Hein? Tous en enfer, sauf une. Ils lui ont posé la question, c'est laquelle? Il a dit, ceux qui sont sur la même voie que moi, moi et mes compagnons. Donc, ce verset qui passait avec nous dans Sourate Hud, et ce hadith, nous parle de quelle divergence? La divergence dans le destin universel. Dans ce qui doit exister. La divergence doit exister. Ces groupes doivent exister dans la communauté. Hein? Donc ça, c'est une annonce de ce qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. وَمِنَ التَّحْدِيرِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنُ سَارِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. Et en ce qui concerne le hadith des divisions, des groupes, là on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent que c'est un hadith qui est non avenant. Inch'Allah, avant de démarrer le cours de demain, ramener les chaînes de transmission de ce hadith et comment les hommes de science l'ont authentifié comme Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, et d'autres parmi les hommes de science. Parce qu'il y a beaucoup qui ramènent, hein, que ce hadith n'a pas de sens. Et que ce hadith, il est faible. Mais en réalité, pourquoi ils le rendent faible? Parce que, il va pas dans le sens de leur passion. Et dans le sens des voies qu'ils se sont créées, c'est normal qu'ils le rejettent. Hein? Et fait partie des avertissements contre con quoi il ne faut pas se diviser, le hadith d'Al Irbad bin Sari radiallahu ta'ala anhu arda. Qui est un hadith? Chez Tirmidhi, qui est un hadith dans l'Arba'in Nawawi. Hein? Et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhorte forte. Et cet exhorte, les cœurs ont frémi de peur de l'exhorte du prophète alayhi salam, les yeux ont pleuré. Et nous avons dit à Rasulallah, peut-être que c'est un sermon de quelqu'un qui fait ses adieux. Conseille-nous, ordonne-nous des choses, conseille-nous, fais-nous des conseils. Il dit, je vous conseille le fait de préserver les droits d'Allah azza wa jal. Et d'écouter et d'obéir, même si c'est un esclave qui vous gouverne. Et celui qui vivra parmi vous, verra beaucoup de divergences. Il verra beaucoup de divergences. Mais il a dit, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna du khalif bien guidé et faites attention à toute nouveauté, car toute nouveauté est une innovation, toute innovation est un voué au feu de l'enfer. Donc c'est un avertissement contre le fait d'être en divergence avec la voix du prophète alayhi salatu wasalam et la voix des compagnons. Ridwanullah alayhim. Et dans l'autre hadith, qui est rapporté par l'imam muslim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre ceux avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, en pont par en pont, et coudé par coudé. Et s'ils rentrent dans le trou d'un varon, vous allez y rentrer. Ils ont dit à Rasoulallah, c'est qui? Il a dit, les juifs et les chrétiens. Et ils lui ont dit, est-ce que c'est les juifs et les chrétiens? Il a dit, qui alors? Il confirme ce qu'ils ont dit. Et il a dit, et aussi il a été rapporté par l'imam muslim aussi de Jundub ibn Abdillah al-Bujali, il a dit, lisez le Coran, tant que vous êtes unis, tant que vos cœurs sont unis, et quand vous êtes en divergence dans le Coran, levez-vous, séparez-vous. Lisez-le, tant que vous êtes unis sur le Coran, autour du Coran, autour de la parole, autour des enseignements du Coran. Mais quand vous commencez à diverger par rapport Al-Qur'an, et par rapport à ce que dit la parole d'Allah, Azza wa Jal, séparez-vous. Wa ala Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qal, hajjartu ila Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, yawman, fasami'a aswat rajulayn ikhtalafa fi ayatin, fakharaja alayna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yu'arafu fi wajhi al-ghadab, faqal, innama halaka man qablakum bikhtilafihim fil kitab. Et, Abdullah ibn Umar, رضي الله عنهما قال Je suis allé de bonne heure chez le prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam a entendu deux hommes qui étaient en divergence sur un verset. Et il est sorti, la colère se voyait sur son visage. Le prophète alayhi salam, quand il était en colère, ça se voit sur son visage. Quand il était réjoui, ça se voyait sur son visage. Et il a dit, alayhi salam, de ce qui est rapporté par l'imam muslim dans le kitab l'ilm, il a dit, ce qui a fait périr ceux avant vous, c'est leur divergence dans le livre. C'est qu'ils ont divergé dans leur livre. Et dans l'authentique du muslim, du hadith, de Suhail ibn Abi Saleh, radiyallahu anhu, d'Abi Huraira radiyallahu anhu, amma Rasul sallallahu alayhi wa sallam qal, inna Allah yarda lakum thalatan wa yaskhatu lakum thalat. يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال donc dans le hadith de l'authentique de muslim regardez ce choix que fait Cheikh Najmi extraordinaire les hadiths comment ils sont ils te ramènent directement au but sans détour sans chercher ils te cherchent les hadiths les plus simple dans la parole du prophète alayhi salam pour te ramener directement à ce que veut de toi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et est-ce qu'il veut te faire comprendre voilà. Dit du hadith du Suhayl ibn Abi Saleh de son père d'Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala que le prophète alayhi salam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous agrée pour vous trois choses et il maudit de votre part trois choses il n'accepte pas il maudit de votre part trois choses. Ils agréent pour vous le fait que vous lui réservez le culte exclusivement, que vous ne lui faites pas d'associé, et que vous vous cramponniez à l'accord d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire à la religion d'Allah Azzawajal, au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Tous! Et que vous ne vous divisiez pas dans la religion d'Allah. Et que vous conseillez, vous faites conseil à ceux qui vous gouvernent. Que ce soit les savants, que ce soit les gouverneurs. Et il maudit, il n'accepte pas, il n'agrée pas de vous trois choses. Ils ont dit, nous avons dit, dire, etc. La perte du temps dans des paroles qui ne servent à rien. Et le fait de poser trop de questions. Et le fait de gaspiller l'argent. Hein? Ils ont dit, nous avons dit, comme ce qui se passe dans les forums, où ils parlent de rien du tout. Des fois même, Wallah, il m'a montré l'autre jour un truc. Mais attends, hein. Et des fois, ils se mettent. Et ils disent, le shir a dit, après, ils font dire à la parole du shir ce qu'il n'a pas dit. Et après, on s'étonne que des gens, des awam, ils parlent mal sur certains shiur. Parce que qui est la cause? Hadou, ils ne savent pas prendre leur langue et garder leur langue et tout simplement transmettre ce que le shir a dit. Comme il se doit, là, ils y rajoutent leur interprétation, et Shira voulu ceci, etc. Et après, ils sortent complètement de la signification de ce qu'a dit Shir. Et ils sont allés complètement au sens contraire. Et des fois, ils décrètent des choses que Shir n'a pas décrites. Des fois, ils font dire à Shir Raber qu'il a dit de tel que c'est un innovateur. Alors que la parole d'El Shir n'est pas ça, du tout. Shir lui reproche ça et ça, et jamais dans le texte il a dit, ou là dans la parole il a dit que c'est un innovateur. Subhanallah. Et ça, c'est le qil wal qal. Ça, c'est très intéressant. Parce que demain, devant Allah, on va être questionné. Tu écris sur ton clavier ce que tu écris. Combien de millions de personnes le voient? Combien de personnes? Ça va se propager. Quelqu'un le prend de toi. Tu es à Bruxelles, là, tu es à Alger. Quelqu'un, il le prend, il est au Tchad. Il envoie à quelqu'un d'autre qui est au Canada qui le prend. Et ainsi de suite. Et ça fait le tour de la planète. Et après, le faux et le blâmable est propagé ainsi. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous conseille que Allah subhanahu wa ta'ala maudit, il n'agrée pas de nous dire, ils ont dit, nous avons dit, etc. sans fondement, sans preuve, sans rien. وولد ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. Et ابن كثير رحمه الله عليه dans son interprétation de la parole d'Allah عز وجل cramponné à l'accord d'Allah. D'Allah, c'est la religion d'Allah, Azzawajal, c'est le Coran, c'est la voix du... Tous ensemble, ils ne vous divisaient pas. Il a dit, il leur a ordonné, le groupe, d'être unis et de ne pas se diviser. Wa rawa Ahmed, wa Tirmidhi, an al-Harith, الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله وأن من خرج من الجماعة قيد شبر فقد قلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية أي أخذ بأحكام الجاهلية فهو من جتى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يا أحمد رحمة الله عليه الإمام أحمد الترمذي الله سبحانه وتعالى كوف دو سسنت من زوكوت لزمام دو الإسلام نو غابور دو الحارث الأشعري رضي الله عنه كالرسول صلى الله عليه وسلم أدي Je vous ordonne cinq choses. الجماعة fait d'être unis en groupe. Le fait d'écouter et d'obéir, le combat sur le sentier de Allah Azza wa Jal, et celui qui sort de la jama'a, d'un empan seulement, hein, celui-là, la signification veut dire qu'il est sorti de l'islam. C'est-à-dire qu'il ne met plus, il est sorti des lois de l'islam. Il ne met plus en application les ordres d'Allah, ni il s'abstient des interdits d'Allah, Azza wa Jal, etc. Jusqu'à ce qu'il revient vers le Jama'a. Jusqu'à ce qu'il revient. Et celui qui appelle vers du jugement d'Yal Jahiliya, hein, il sera parmi, c'est-à-dire, Dawal Jahiliya, c'est quoi? C'est, il met en application les lois qui ne sont pas dans l'islam, qui sont contraires à l'islam. Celui-là, il fait partie de ce qui va être jeté au feu de l'enfer. Hein? Même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il prétend qu'il est musulman. Maintenant, في هذا الفصل بين الشيخ في منع الاختلاف ودمه فالذي يدعو بدعوى الجاهلية أي يأخذ بأحكام الجاهلية وبالتمرد كتمرد الجاهليين وبالتبرج كتبرج الجاهلية أو يدعو إلى الأفكار القومية أو يدعو المرأة إلى التبرج ضد من يدعو بدعوى الجاهلية أي أخذ بأحكامها ودعا إلى الديمقراطية مثلا ودعا إلى الحرية والاختلاط ودعا المرأة إلى التبرج والتمرد كتبرج الجاهلية أو دعا إلى الأفكار القومية أو يدعو إلى الثورة ضد حكام المسلمين أو يدعو بدعاوى الجاهلية لأن كل دعوة تصادم الإسلام فهي دعوة جاهلية من دعا إليها معناه أنه يحارب الإسلام ولا يريده ويريد من المسلمين أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريد منهم أن تكون أوضاعهم كأوضاع غيرهم من الأمم يقول نريد الحرية نريد الديمقراطية نريد العلمانية هذه دعوة الجاهلية مصادمة لدين الله عز وجل. Donc maintenant, le fait d'appeler vers le jahiliya, c'est quoi? Le fait de mettre en application les jugements qu'il y avait chez le jahiliya. Le fait d'appeler vers la démocratie, par exemple. Le fait d'appeler vers la liberté et vers la mixité partout. Et le fait d'appeler la femme à s'exhiber et à jeter son hijab et à faire tabarruj l'exhibition d'Yal Jahiliya comme l'a interdit Allah Azza wa Jal et le fait d'appeler vers le nationalisme vers le tribalisme le fait d'appeler vers les révolutions contre les gouverneurs de l'islam tout ça fait partie du da'awa al-jahiliya car toute da'awa qui va à l'encontre de l'islam et des enseignements de l'islam, c'est une da'wah d'Yal Jahiliya. Et celui qui appelle avec da'wah d'Yal Jahiliya, ben il est en train de faire la guerre à l'islam. Il ne veut pas l'islam. Il veut que les musulmans soient gouvernés par Tarot. Ils se dirigent vers un Tarot. Il veut d'eux que leur situation soit comme la situation des autres communautés. Nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie, nous voulons la laïcité. Ça, tout ça, ce sont des da'awa d'Yal Jahiliya, et ce sont des da'awa qui sont en contradiction avec la religion d'Allah Azza wa Jal. فَهَذَا الَّذِي يَدْعُو بِهَذِي الدَّعَوَى عِلْمَانِيَ وَدِمُقْرَاتِيَ صَاحِبُ مَذْهَبَ الدَّانِ أو شهواني يريد الإفساد من حيث يدري أو لا يدري، يريد الإفساد في الأرض، يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم ويقول أنا إنما دعوت بهذه الدعوة لمصلحة الوطن والمواطن ومصلحة البلاد والاقتصاد، وهو بفعلها هذا من حيث يدري أو من حيث لا يدري يريد الإفساد في الأرض، والله المستعان. دوك النوم باغاي كي أبيل أبيك الدعوة الجاهلية، كي أبيل فيغ لا لايسيتي ولا فيغ لا ديموكراسي، il appelle vers une droit et une voie de destruction de la communauté et des principes de la communauté. Un autre, il a des voies vers les plaisirs de ce bas monde. Certains, Omar, c'est le libéralisme, le libertinage plutôt. Hein? Etc. Hadou, ils appellent vers le mal sur terre. Ils prient, ils jeûnent, ils prétendent qu'ils sont musulmans. Mais ils disent, nous appelons vers ces voies-là parce que nous voulons le bien de la nation, nous voulons le bien du pays, nous voulons le bien de l'économie, nous voulons le bien de ceci et cela. Mais en réalité, de là où il le veut ou là où il ne le veut pas, il est en train de faire le mal sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.